chaque chance, car la journée commence. Il faut que tu partes voir les malades, c'est dur, car tu préfères l'ambiance de ma chambre à celle de l'EHPAD. Cette nuit, j'ai dormi en silence, aucun ronflement en cascade. Une nuit dans tes bras ne suffit pas, encore une heure, encore une fois. Marie, enlève tes habits, je crains de ne pas avoir fini. Ma nuit dans tes bras ne suffit pas, encore une heure, encore une fois. Marie, reviens là, je t'en prie, je crois que tu n'as pas compris. Une nuit dans tes bras ne suffit pas, encore une heure, encore une fois. Pas de chance, le réveil qui s'enclenche, il te faut partir illico, c'est sûr. Tu préfères l'attirance de mon corps à tes petits vieillots. Cette nuit, j'ai connu la jouissance, mais n'ai pas atteint mon ratio. Une nuit dans tes bras ne suffit pas, encore une heure, encore une fois. Marie, enlève tes habits, je crains de ne pas avoir fini. Ma nuit dans tes bras ne suffit pas, encore une heure, encore une fois. Marie, reviens là, je t'en prie, je crois que tu n'as pas compris. Une nuit dans tes bras ne suffit pas, encore une heure, encore une fois. Suffit pas.